Annie Lebrun viennent juste de sortir en librairie deux livres chez Stock, deux livres qui vont ensemble, c'est un travail en deux temps. Premier temps, du trop de réalité, c'est le titre du livre qui ausculte, dissèque et analyse les formes nouvelles que prennent aujourd'hui l'asservissement et l'assujettissement. Donc vous y désignez la résignation de notre époque au monde tel qu'il est et tel qu'il va. Le deuxième livre s'intitule « De l'éperdu ». C'est en quelque sorte, disons, la positivité de ce travail en négatif. C'est un recueil d'articles consacrés à Jarry, Sade, Raymond Roussel ou encore à Fourier et d'autres dont vous dites « Il serait difficile de trouver des personnages dont les préoccupations pourraient être plus en écart absolu avec l'esprit de l'époque. C'est peut-être pourtant grâce à eux qu'il est encore possible de respirer malgré tout. » Donc, en tout, vous avez publié une vingtaine de titres, parmi lesquels ceux qu'on connaît bien, par exemple les deux livres de poche en folio et sèche chez Gallimard, Les châteaux de la subversion et Soudain un bloc d'abîme Sade, mais il y a aussi chez Jean-Jacques Pauvert, rappelez-vous, le très fameux Lâchez tout encore, 20 000 lieues sous les mots Raymond Roussel. Alors ce travail, on pourrait dire, est le fruit d'une très longue obstination, d'une grande persévérance, pour lequel vous avez choisi depuis toujours d'être, au fond, accompagné, par exemple, par Sade, donc Jarry, Roussel, Pierre-Louis, André Breton. Votre insoumission radicale a rencontré la leur. Vous déployez, Annie Lebrun, et toujours davantage dans vos livres, ce qui fait le fond de votre expérience, et notamment ceci, que la tâche première de la pensée est de dissoudre toutes les croyances, de traquer en quelque sorte, on pourrait dire, les ressorts les plus divers de la bigoterie répressive qui maintient les individus par et dans les liens les plus illusoires. Alors, je crois que vous inventez là un nouvel athéisme qui s'exerce au fond sur les terrains les plus insidieux. Oui, enfin, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, s'il s'agit de en l'occurrence de fonder un athéisme, c'est-à-dire quelque chose qui va à l'encontre de toute forme de religiosité, si je puis dire. Il s'agit de quelque chose qui n'a rien de dogmatique, mais qui a pour seule fin de tenter d'élargir infiniment l'horizon sensible. C'est-à-dire, je pense que j'ai toujours eu cette impression qu'il fallait en finir et qu'il fallait rompre avec justement tout ce qui entrave, tout ce qui nous empêche de vivre à hauteur de nos rêves. Et il y a cette phrase-là, il n'y a pas longtemps après, que j'ai trouvée de Victor Hugo, qui dit « Comme on fait son rêve, on fait sa vie ». Et il me semble que les hommes oublient trop ce genre de constatation essentielle. Et en même temps, je pense que c'est ça qui donne une sorte de mouvement contradictoire à une attitude que j'ai, qui me paraît dans le fond très simple, qui est plutôt une façon d'être, mais qui joue sur deux pôles opposés, c'est-à-dire d'un côté une révolte justement donc contre tout ce qui peut empêcher d'être. Et là, effectivement, principalement, on retrouve le fameux éternel voleur d'énergie dont parlait Rimbaud. Et d'un autre côté, ce qui va de pair, à mes yeux, avec cette révolte, c'est une exaltation de tout ce par quoi chacun peut retrouver justement ses pouvoirs perdus, les pouvoirs que la société, la morale, la religion fait perdre à chaque individu. Donc des pouvoirs qui nous ont été, au fond, confisqués d'une certaine manière. Qu'on ne cesse de nous confisquer. Et c'est quand même pas seulement... on ne peut pas dire qu'il y a une sorte d'instance méchante qui empêche l'homme d'être ce qu'il est, parce que aussi, c'est aussi ce qui me paraît essentiel dans l'athéisme, enfin dans ce dont je me réclame, c'est le fait que, oui, d'un côté, il y a toutes ces instances qui empêche d'être, mais d'un autre côté, qu'il y a en chacun de nous un besoin de croire et qui amène à toutes les formes de soumission que l'on sait. Mais je pense que l'idée de Dieu n'est haïssable que parce qu'elle est la force de modèle et elle est le modèle de la force de soumission à ce qu'on n'a pas éprouvé soi-même. Et c'est en cela que, pour moi, la pensée de Sade est si forte, parce que au-delà des déclarations réitérées athées de Sade, il y a chez lui un désir de débusquer justement ce qui amène les êtres à croire et ce qui les éloigne de leurs désirs, de leurs rêves. Et ce peut être toutes les abstractions qu'on connaît, et que ce soit l'homme, que ce soit la nature, que ce soit... On a pu voir aussi l'histoire, aussi la famille, la morale, etc. Et ça, c'est pour moi le travail extraordinaire de Sade, qui est peut-être la seule pensée qui nous met le terrible marché en question. Il y a un passage dans la Nouvelle Justine, moi je le trouve extraordinaire, il y a un libertin qui dit à Justine: « La philosophie Justine n'est point l'art de consoler les faibles. Elle n'a pas d'autre but que de donner de la justesse à l'esprit et d'en déraciner les préjugés. Je ne suis point consolant, moi, Justine, je suis vrai. » Encore que la question de la vérité soit sujette à caution, parce que je ne pense pas qu'il y ait de vérité, il y a plutôt du non-mensonge, mais sauf que Sade, lui, fonde justement la vérité. Il essaye de le faire parce que, d'une façon à laquelle personne n'a jamais recouru, c'est par une continuelle mise à l'épreuve de la pensée par le corps, mais aussi du corps par la pensée. Et là, il y a une sorte de principe excessif. Ça découvre comme force non seulement de liberté, mais de libération en l'homme, un principe excessif dont l'homme tout entier, justement, participe corps et âme, si on peut dire, et par lequel aussi il rejoint l'univers, c'est-à-dire par les excès de la nature. Et là, je pense que dans ce retour que Sade ouvre sur un infini qui n'a rien de transcendant. Et c'est, à mon avis, paradoxalement, ça ouvre sur ce qui est, dans le meilleur des cas, l'espace de la poésie, de la pensée nue, et ce retour de la pensée dans le corps, bon, qu'on peut aussi appeler les perdus, etc. Enfin, moi, ce qui m'agite, à nouveau, j'insiste sur le fait qu'il n'y a rien d'intellectuel dans tout ça, qu'il s'agit plutôt d'une sorte de sauvagerie ou de lucidité sauvage, à mes yeux, qui vient directement de l'enfance et qu'on s'applique justement à nous faire perdre. Et c'est pour ça que la révolte qui s'ensuit, que la révolte contre, disons, cette comédie humaine qu'on nous oblige à jouer et qu'on consent à jouer, eh bien, est à la mesure de tout ce qu'il y a à reconquérir. Et par exemple, il me semble que quand Jarry, dans Ubu Roi, quand Ubu dit à Madame Ubu: « Madame Ubu, Mère Ubu, tu es bien laide aujourd'hui, est-ce parce que nous avons du monde ?» Eh bien, il me semble qu'il n'y a qu'un regard sauvage de l'enfance qui peut voir sa foi. C'est définitif, c'est tout le mensonge de la féminité, toutes les contrefaçons de la sociabilité qui sont là-dedans. Et il me semble que c'est parce que Jarry a gardé cette sauvagerie de l'enfance qu'après, par exemple, il peut se permettre de réinventer l'amour avec le surmâle et d'en faire un des plus grands voyages poétiques qui soit. Et par exemple, quand il évoque la rencontre des deux amants, mais je pense qu'on en reparlera parce que ça a été tellement essentiel pour moi, ce livre, ben, il peut écrire: « Ils commencèrent de s'aimer et ce fut le départ d'une expédition lointaine, d'un grand voyage de noces qui ne parcourait point des villes, mais tout l'amour. Ils continuèrent et chacun de leurs baisers fut une escale dans un pays différent où ils découvraient quelque chose et toujours une chose merveilleuse. » Et il me semble que c'est parce qu'il y a cette sauvagerie à l'origine de la révolte de Jarry qu'il y a cette possibilité de découvrir Vous racontez très bien, Annie Lebrun, d'ailleurs, dans un article, comment, effectivement, vous avez passé votre enfance à Rennes, en Bretagne, donc dans une petite ville. Et je me suis demandé si, au fond, ce n'était pas une de vos grandes chances que d'avoir eu un observatoire de cet ordre. Parce que, effectivement, à Paris, les choses peuvent parfois se diluer. Mais dans les villes de province, comme on sait avec Balzac, par exemple, les choses sont un peu plus, disons, grossies, disons, à la loupe, et finalement mieux détectables d'une certaine manière. C'est très, très intéressant de venir d'une ville de province. Il faudrait payer pour ça. Il faudrait payer pour ça, mais c'est un excellent laboratoire. J'aime pas les souvenirs d'enfance, mais c'est plutôt effectivement des atmosphères. Dans les années 50-60, il y avait des villes de province qui n'étaient pas sorties du 19e siècle, du pire 19e siècle balzacien. Effectivement, Rennes était une ville de cette sorte. C'est pas non plus par hasard que Ubu a été écrit là. Oui, et que absolument. Bon, c'était des villes, je ne sais plus maintenant, mais c'était des endroits où on avait l'impression que tout ce qui pouvait vivre un petit peu était condamné à être dans un caveau de famille, en quelque sorte. C'est ça, on vivait dans un caveau de famille. Ces villes, c'était ça. Alors, il y a tout de même une rencontre dans votre vie qui est, au fond, la rencontre vivante, qui est celle des surréalistes, et notamment de l'œuvre et de la personne d'André Breton. Effectivement, donc j'étais dans une situation de manque, si j'en peux dire, de dénuement intellectuel terrible, parce que je lisais, j'étais complètement affamée, hein, j'étais sous-alimentée donc intellectuellement, donc je lisais tout ce que je pouvais lire en espérant trouver de quoi me nourrir, et c'était quand même une déception l'une après l'autre, jusqu'à effectivement à ce que je tombe sur les livres de Breton. Et là, tout d'un coup, j'ai été complètement séduite, pas véritablement par les idées qu'il avançait, mais d'abord par la hauteur de ce ton qui commençait à penser la vie telle qu'elle était, sans idées préconçues, si je puis dire. Et puis, j'ai pas trouvé là une solution, une planche de salut. Non, au contraire. C'était que, dans la pensée de cet homme, tout d'un coup, des perspectives s'ouvraient où il n'y avait pas des réponses aux questions que je me posais, mais où les questions que je me posais prenaient place. Alors que dans ce qu'on m'avait donné pour la culture, je n'avais jusqu'à présent pas vraiment trouvé où inscrire les choses qui me tourmentaient. Alors c'est du genre, qui aime-t-on, pourquoi aime-t-on, comment vivre. Annie Lebrun, je vous interromps parce qu'effectivement Breton, c'est là dans ces deux livres qui viennent de paraître, enfin le titre, les deux titres, Les Perdus et puis Du trop de réalité, enfin, on pense automatiquement au discours sur le peu de réalité. Sur le peu de réalité, oui, d'une part, et d'autre part, le mot est perdu vient aussi de Breton. Oui, enfin, c'est pas un mot vraiment. C'est un mot que vous adorez. Moi, c'est sûrement un. C'est le mot que vous préférez. Je dis que c'est le mot que je préfère de la langue française, mais c'est sûrement un des mots qui était sûrement cher à Breton, parce que effectivement, dans des inédits, il a publié récemment les NRF, dans un texte, il dit le dernier mot, elle est perdue. C'est parce que justement, et c'est ça, moi, qui m'a complètement séduite dans la pensée, dans l'itinéraire de Breton, indépendamment des critiques, des réserves qu'on peut naturellement avoir, parce que si on aime les personnes ou les pensées, on peut pas justement dévotement adhérer à ce qu'ils ont été, à ce qu'ils ont dit, mais c'est qu'il y a toujours chez Breton cette sorte de place laissée à l'éventuel, au possible, et qu'il y a toujours dans sa pensée le désir, la nécessité de penser tout l'homme. Alors s'il y a un projet de Breton, justement, c'est celui de ne pas sombrer et de ne pas se laisser vaincre par tout ce qui, en nous comme au dehors de nous, s'oppose à cette à cette volonté de penser l'homme tout entier. Et c'est bien, je pense, que ce que cette époque, notre époque, hein, de complaisance et de compromis, ne lui pardonne pas. Parce que justement, il y a ce désir de ne rien laisser de côté, de prendre en compte, de prendre tout en compte. Est-ce qu'on peut dire que les deux livres que vous venez de sortir, à la fois du trop de réalité et de l'éperdu, ce sont des livres qui sont là pour rappeler que quelque chose ne doit pas mourir, ne doit pas s'éteindre? Vous savez, je redis toujours la même chose. Dans le fond, c'est... À la fois, c'est une révolte contre ce qui est et ce qui est en train de se mettre en place, et contre le rétrécissement de l'espace et du temps qui nous est imparti, et en particulier devant cette sorte d'occupation de l'imaginaire à laquelle on assiste aujourd'hui, parce que il m'a semblé que la nouveauté dans la domination était que... Bon, jusqu'à présent, il y avait toutes les formes d'asservissement qu'on connaissait, mais que depuis une quinzaine d'années, les différents pouvoirs se retrouvent à mettre en place des bataillons d'experts, des cohortes de professeurs, pour investir ce qui, jusqu'à présent, était de l'ordre de la sensibilité, du domaine individuel. Et que maintenant, le travail qui se fait culturellement est une façon de nous priver définitivement de ce qui pouvait être le lieu où il y avait encore toute la possibilité de se révolter et de dire non à ce qui est. On a l'impression que le pouvoir s'est accaparé le discours de la rébellion et que c'est au fond... Le discours. Donc c'est quand même une opération langagière. Hein. Mais ça, on pourra en revenir si on aborde un peu plus, enfin si on développe la question du politique. Mais parce qu'effectivement, il se passe quelque chose, et c'est aussi ça dans l'ordre de la sensibilité actuellement, qu'il y a cette opération terrible sur le langage, où il y a une appropriation... où le langage sert à désigner justement l'inverse de ce qu'il prétend désigner. Donc la rébellion elle-même est virtuelle, enfin elle est entrée dans On vous en donne tant qu'on veut, on vous donne tant qu'on veut de la rébellion virtuelle. Ça c'est je voudrais dire aussi qu'il faut prêter une attention très grande parce que à ce qu'on lit, à ce qu'on regarde, parce que le monde qu'on nous propose est justement un monde de l'inattention. Juste où, et c'est pas par hasard, parce qu'on peut vous refiler n'importe quoi. Et tout, devant cette sorte d'approximation généralisée, c'est un monde d'escrocs, d'une certaine manière. Tout devient interchangeable. Mm-hmm. Or, au contraire, si on prête attention à des démarches exceptionnelles, si on prête attention au sens qu'ont les mots, à la structure de la phrase, tout d'un coup, le monde reprend du sens. Si on prête attention au rapport qu'on a entre les êtres, si on prête attention aux êtres mêmes, à ce qui les rend singuliers, à ce qui les rend irremplaçables, alors le monde peut changer. Et ça, c'est à chacun de nous, ça dépend de chacun de nous. Et c'est pour ça que je me réfère de façon presque obsessionnelle aux anarchistes de la fin du 19e siècle. C'est cette notion, pour moi, de reprise individuelle qui est essentielle. Vous savez bien que donc les uns et les autres ont décidé qu'il s'agissait de reprendre leur bien, de reprendre son bien à la société qui vous en avait dépouillé. Mais il me semble que sensiblement, que passionnellement, maintenant le temps est venu de cette reprise individuelle. Et c'est à chacun, avec les moyens qu'il a, avec les richesses qu'il a en lui, d'essayer de reprendre à ce monde tout ce par quoi on veut le rendre identique aux autres. Annie Lebrun, j'aimerais vous demander si vous seriez d'accord, au fond, pour faire cadeau au lecteur de quelques minutes de lecture, disons une minute trente de lecture, pour conclure cette conversation. Je ne sais pas si c'est un cadeau, mais en tout cas, je vais bien lire. C'est un blague, bon, ça se trouve là. C'est un petit passage d'un livre qui s'appelait « Tout près les nomades » de 69. je n'ai rien à dire et encore moins quelque chose à dire. Pour l'instant, je parle, tandis que d'autres dansent, crient, éternuent, maigrissent, tuent, respirent, s'allongent. Personne n'est jamais parti où que ce soit, serait-ce au bout d'une phrase sans se déguiser. J'avoue dédaigneusement que j'ai des fossiles et pas de marteau. Inconvénient mineur quand le regard fait tout pour se perdre au loin. Nous sommes en retard, mais n'est-ce vraiment que partie remise ? Le jour n'en finit pas d'avancer à reculons sur le ventre de la nuit. Nous avons peut-être le cerveau sur la main, comme d'autres le cœur. Pourtant, il est inimaginable d'avoir l'air plus ridicule, puisqu'on ignore toujours qui s'enfonce sous les voûtes des épaules, qui promène les rues en laisse, qui joue les respirations individuelles au banco des tempêtes, qui répond au téléphone hagard du sommeil. Le bruit court que nous sommes en voyage, mais nous ne courons pas. Nous étouffons sous des peaux d'ours en peluche, traînant au bout d'une ficelle des caravanes d'idées, précieuses, chaotantes, usuelles, anachroniques, inutiles, épuisées, merveilleuses, oui, merveilleuses, peut-être, mais qui parlent. Je n'entends guère murmurer que le désespoir de ne pouvoir voyager dans les êtres et les choses. La peau est un vêtement trop étroit pour les grands déplacements. Elle est la source figée de tous les cas d'erreur sur la personne, tant que la mémoire ne congédie pas ces laquais difformes qui ne parviendront jamais à boucler les ultimes mots-valises. On sait bien qu'en dernier recours, il reste les miroirs qui se jettent à votre cou comme les amis, les moustiques, les parents, à la fin d'une traversée transatlantique. Seulement les miroirs n'additionnent que le manège de nos sept langues dans la bouche, la chute libre des kilos de plomb de nos têtes, le reflet des diverses façons d'oublier le mot « oublier » et multiplie le résultat obtenu par le temps à perdre. Ce n'est plus le moment de briser la glace des allées et venues, nous n'y verrions que du feu. Alors partez, partez n'importe où, mais partez pour le plus grand inachèvement. Tout ce qui est privé est en suspect, et la vie qu'on appelle privée l'étant plus qu'autre chose, ce n'est qu'en chemin que vous courrez dans les greniers du cerveau, que vous ouvrirez les mâles de l'enfance, que vous y enfouirez vos reins et que l'amour prendra violemment le goût de l'éventuel.